où va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des camps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des camps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. J'ai recollé tous les morceaux, tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y'a rien à faire. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie.